Donc, al-matlab al-thani fi nawaqid al-iman bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. نواقد النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين القسم الأول الطعن في شخصه صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله جل وعز إما بإنكار أو بانتقاص الشيخ الذي ك En ce qui concerne les choses qui annulent la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est yani, le fait de, yani, d'attaquer ou d'insulter sa personne sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième catégorie de qu'est-ce qui, ou bien la deuxième aspect ou deuxième catégorie de ce qui annule la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'attaquer ou de critiquer ce qu'il a mentionné comme information au sujet de la religion. Soit par le fait de le renier, de le rejeter, ou bien dans le fait de le dénigrer, de le rabaisser ou de le diminuer, ou bien de s'en moquer par exemple, ça rentre là-dedans. Donc ça c'est les deux catégories de choses qui annulent la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il explique maintenant plus en détail. Il dit فأما القسم الأول وهو الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذا ما نسب إليه شيئا مما يتنافى مع استيفاء الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ دينه وشريعته إلى الخلق ويلتحق به من طعن في عفته أو صدقه أو صلاحه أو من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو في خصلة من خصاله أو عرض به عليه الصلاة والسلام كل ذلك والعياذ بالله كفر بالله جل وعلا. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne la première catégorie, le fait d'attaquer ou d'insulter sa personne sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tout ce qu'on peut inclure dans ça, c'est le fait de lui attribuer quelque chose qui vient en opposition ou bien qui nie le choix que Allah a fait de lui comme étant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire toute chose qui viendrait nier le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui viendrait nier la sagesse d'Allah dans le fait d'avoir choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager et en tant que prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le fait que c'est lui qui a transmis son message, sa religion et sa législation à la création. Et donc, il donne des exemples. Il dit par exemple, si quelqu'un insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa pudeur ou dans sa sincérité ou la véracité de ce qu'il dit, comme si par exemple il le traite de menteur ou des choses comme ça, ou bien il attaque quelque chose relié à sa morale ou à sa modestie ou des choses de ce genre, ou à sa bonté, à sa piété, ou bien quelqu'un qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien lui attribue un défaut dans sa personne, ou dans sa lignée, dans sa généalogie, ou bien dans une des caractéristiques, parmi ses caractéristiques, ou bien, n'importe quelle autre chose par laquelle il voudrait diminuer ou insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le cheikh que tout ça, qu'Allah nous en préserve, c'est de la mécréance. C'est comme si tu as rejeté la foi en Allah, si tu as une de ces choses-là, ou quelque chose dans ce sens-là. La deuxième catégorie, c'est le fait d'insulter ou d'attaquer quelque chose de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis de la religion d'Allah, quelque chose de ce qui a rapport avec yani ce qu'il a donné comme information au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit fa inna hadha min nawaqid al-iman, ça fait partie des choses qui annulent la foi. Il dit wa huwa at-ta'n fi ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa inna hadha min nawaqid al-iman bihi kama qulna إما أن يكون بإنكاره أو بانتقاصه وهذا أمر ظاهر. Donc si tu rejettes ou renies quelque chose de ce qu'il a enseigné de la religion d'Allah, ou bien que tu yani le dénigres ou le rabaisse, donc ça c'est quelque chose de clair, le cheikh il dit. Le troisième point parmi les points, c'est qu'est-ce que le cheikh il mentionne maintenant, c'est adillatul qur'ani wa sunna fi wujub al iman bihi, les preuves du Coran et de la Sunna au sujet de l'obligation de croire en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh il dit tadafarat ayyuha al ahibba nusus al kitab wa sunna ala wujub al iman bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. من ذلك قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعز فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يقول جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل في علاه قل أطيعوا الله والرسول والأدلة من القرآن كثيرة كما قلنا. أما من نصوص السنة فكثيرة أيضا، ونقتصر على اثنين منها. أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ومما قاله له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث. Donc le cheikh il mentionne des preuves dans le Coran et dans la Sunna au sujet de l'obligation de croire en lui. Et parmi les preuves qu'il a mentionnées, il cite par exemple le verset 9 dans Surat Al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et pour que vous le supportiez et le respecte, que vous le respectiez et que vous glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Ensuite, il mentionne le verset 8 dans Surat At-Taghabun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et donc croyez en Allah et en son messager et en la lumière qu'il a fait descendre, que nous avons fait descendre, et Allah il est parfaitement informé de ce que vous faites. Il cite également le verset 132 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et obéissez à Allah et aux messagers pour que vous puissiez avoir la miséricorde. Et il mentionne le verset 32 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et obéissez à Allah et aux messagers. Et il dit que les preuves du Coran sont nombreuses, comme nous l'avons dit. Il y en a beaucoup plus que ça. Ça, c'est juste quelques exemples. Et le cheikh, il dit en ce qui concerne les preuves de la sunna, elles sont également très nombreuses. Et il en mentionne uniquement deux, pour résumer. La première preuve qu'il a citée, c'est le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, radiallahu anhu, par l'imam muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et qu'ils croient en moi et en ce avec quoi je suis venu. Si ils font cela, c'est-à-dire lorsqu'ils ont fait cela, ils seront protégés contre moi dans leur vie et dans leur bien, excepté pour un de ces droits et leur jugement incombera à Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Après, il mentionne un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cette version, c'est la version de l'imam Muslim. Et c'est l'histoire qui mentionne le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour enseigner l'islam aux gens du Yémen, qui pour la plupart étaient parmi les gens du livre. Alors il a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit le fait de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent dans cela, alors informe-leur que Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu obligatoire 5 prières durant le jour et la nuit. Donc c'est pour dire que il a ordonné d'appeler les hommes à adorer Allah seul et à témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis ensuite de témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est son messager. Naam. Donc ça c'est parmi les preuves de l'obligation de croire en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le point numéro 4 par rapport à ce droit, il dit wa amma al-matlab ar-rabi' fi 'umumi bi'athatihi sallallahu alayhi wa sallam lit-thaqalayn. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé aux hommes et aux djinns. Et il dit wa taqriru hadha bayyin wa zahir liman ta'ammala al-Qur'an was-sunnah. فمن القرآن الكريم قول الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وقال ابن منظور في اللسان الناس قد يكونون من الإنس ومن الجن ويقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وذكر العلامة القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن أن ابن عباس رضي الله عنهما قال العالمون الجن والإنس دليله قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا ولم يكن نذيرا للبهائم انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que premièrement parmi les preuves du Coran, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux hommes et aux djinns, à tous les hommes et à tous les djinns sans exception, c'est-à-dire c'est pas à certains parmi les hommes ou à certains parmi les djinns, comme certains par exemple qui prétendent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait été envoyé uniquement aux Arabes et non aux autres peuples. Donc c'est pas le cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé à un peuple en particulier seulement, il a été envoyé à tous les peuples sur terre. Et également, il n'a pas été envoyé aux gens de son époque seulement, il a été envoyé aux gens de son époque et tous ceux qui viennent jusqu'à la fin des temps également. Et le cheikh, il mentionne comme preuve de cela plusieurs versets dans le Coran. Le premier verset qu'il a cité, c'est le verset 158 dans Sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit « Ô vous les hommes, dit au Muhammad, ô vous les hommes, je suis certes pour vous tous le messager d'Allah. Inni rasulullah ilaykum jami'an. Jami'an, ça veut dire tous. » Et le verset 79 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa arsalnaka lin-nasi rasula. Ici, ça veut dire nous t'avons envoyé pour les hommes. En tant que messager. Et Ibn Manzur, c'est un des savants de la langue, il a écrit un livre comme un dictionnaire, une encyclopédie ou un dictionnaire de langue arabe, dans lequel on retrouve les définitions des mots dans la langue arabe. Et dans ce dictionnaire, le cheikh Ibn Manzur, dans son livre Lisan al-Arab, il explique que An-Nas, ça peut être des hommes, ça peut être des djinns aussi. C'est-à-dire, ça peut être des êtres humains, ça peut être des djinns. Donc, ça comprend les deux. Le terme nas, ça peut comprendre les hommes et ça peut comprendre les djinns. Il cite également le verset 1 dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Béni soit celui qui a fait descendre le discernement, al-Furqan, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Hein? » Il a fait descendre le discernement sur son serviteur pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Et le terme « monde », c'est en arabe « al-alamin ». C'est hein, « al-alamin ». Et donc, l'imam al-Qurtubi, un des savants de l'Andalousie, qui a écrit un tafsir du Coran, il a mentionné, selon Abdullah ibn Abbas, que « al-alamun », hein, ça c'est yani, le terme « alamun ».« Alamin », c'est quand c'est sous la forme de quand il est objet, et « al-alamun » quand il est sujet. Donc « alamun », il explique que ça comprend les djinns et ça comprend les hommes. La preuve de cela, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « liyakuna lil'alamina nadhira » pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Et bien entendu, il n'a pas été envoyé hein, comme avertisseur pour les animaux. Hein, les animaux ne sont pas mukallaf. Hein. Donc ça, c'est la fin de cette parole de l'imam al-Qurtubi. Il dit « وَمِنْ أَدِلَّةِ بِعْثَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّقَلَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ سُنَّتِهِ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي فَذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة والناس هنا كالناس فيما تقدم بيانه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقوله بعثت إلى الناس عامة فوقع في رواية مسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود فقيل المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون ففي قوله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة دلالة واضحة لعموم بعثته صلى الله عليه وسلم للثقلين وهي رواية صريحة شاملة كما قاله الحافظ ابن حجر وكذلك بالتأمل في سنته العملية صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك جليا فدعوته للبشرية ظاهر فدعا كفار قريش وغيرهم ودعا الجن أيضا وهذا ظاهر لمن تأمل سورة الجن وتنظر قصتهم في صحيح البخاري. Donc le cheikh il explique comme les par rapport aux preuves de la sunna sur le fait qu'il a été envoyé aux hommes et aux djinns, il commence par citer un hadith qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim selon Jabir radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a donné cinq choses que personne avant moi n'a reçues parmi les prophètes et il mentionne le fait que, parmi les choses qu'il a mentionnées, il a dit que le prophète avant moi, il était uniquement envoyé à son peuple en particulier. Tandis que moi, je suis envoyé à tous les hommes de façon générale. Il a nasi ammatan. Et donc, le cheikh dit la même chose que qu'est-ce qu'on a dit à propos de annas, plutôt à propos du verset. Eh bien, on peut le dire à propos de ce hadith ici, que nas, ça comprend les hommes et les djinns. Il dit également que Al-Hafidh ibn Hajar, il a mentionné que dans une narration de Muslim, à propos de lorsqu'il a dit j'ai été envoyé à tous les hommes, ou aux hommes en général, eh bien il dit j'ai été envoyé au rouge et au noir. Et il dit ici, qu'est-ce qu'il veut dire par le rouge? Certains parmi les ulama ont interprété ou expliqué que les rouges c'est les non-arabes, puis les noirs c'est les arabes. Et d'autres ont dit, les rouges c'est les hommes et les noirs c'est les djinns. Donc ça c'est différentes interprétations. Et après le cheikh il dit, il y a un livre pour dire que en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous, les hommes et les djinns. Et il rapporte un autre hadith dans lequel il dit que l'imam muslim a rapporté que selon Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été préféré, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala m'a préféré sur les autres prophètes par 6 choses. On m'a donné Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut parler par des expressions qui sont très courtes et résumées, mais qui contiennent et qui ont une grande signification, beaucoup de signification. Donc il utilise peu de mots pour dire beaucoup de choses. C'est ça, Jawami'ul Kalim. Et il dit, la deuxième chose qu'il a reçue, c'est Ar-Ru'b. Nusirtu bir-Ru'b. C'est-à-dire que, avant même qu'il arrive quelque part, il a déjà fait peur à son ennemi. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire par la crainte qu'il lance dans le cœur de ses ennemis. Et il dit, wa uhillat li al-ghanaim. Donc le butin il lui a été rendu licite parce que il était interdit au prophète précédent. Hein? Et il dit wa ju'ilat li al-ard tahuran wa masjida. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que la terre soit pure et une source de pureté et un lieu de prière pour lui, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un par exemple il n'a pas d'eau, il peut se purifier avec la terre en faisant le tayammum. Ça, c'est quelque chose qui a été donné spécifiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également que le musulman peut prier n'importe où sur la terre. Hein? Et que la terre est une mosquée pour lui. Ça, c'est quelque chose de spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière chose qu'il a citée, c'est qu'il dit, j'ai été envoyé à tous les hommes. Et c'est par moi que Allah subhanahu wa ta'ala a scellé tous les prophètes. Donc c'est moi qui est venu sceller hein, la chaîne des prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité. Et donc, il dit ensuite, le cheikh, il dit que dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise dans ce hadith, j'ai été envoyé à tous les hommes, hein, à toutes les créatures, hein, toute la création, et bien ça c'est une preuve claire que son message... Il est en général adressé aux deux mondes, Thaqalayn, le monde des hommes et le monde des djinns. Il dit le cheikh que c'est donc une narration qui est explicite et claire et complète à ce sujet-là, comme l'a mentionné Ibn Hajar al-Asqalani. Également, celui qui médite l'exemple pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir cela être clairement apparent dans la façon dont il a fait la da'wa hein, ouvertement à toute l'humanité. Il a appelé les kuffars de Quraysh et il a appelé les autres parmi les hommes. Hein. Il a écrit des lettres même aux rois des différents peuples et des différentes nations de son époque pour les appeler à l'islam. Donc ça c'est un exemple. Et il a également appelé les djinns à l'islam. Okay? Et ça c'est évident pour quiconque médite et observe ce qui est mentionné dans Sourate al-Jinn. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate al-Jinn, il clarifie que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé même les djinns à l'islam. Et il y a des hadiths même qui sont très clairs sur ça, à ce sujet-là. Et l'histoire à ce sujet est mentionnée dans Sahih al-Bukhari. Donc ça c'est authentique aussi. Le point numéro 5 au sujet de la foi, hein, l'obligation de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de croire qu'il a transmis le message de manière complète, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas transmis uniquement une partie seulement de la religion et du message, mais il a transmis la religion en entier et de façon parfaite et complète. Il va citer ici, il dit سبق معنا ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنه عند البخاري في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة وأنه فيها قوله ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ويصدق هذا قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية دليل ظاهر بين على كمال هذا الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أتم البلاغ وأكمله وبينه في أتم بيان وأحسنه وأوضحه وهي شهادة من الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام. أخرج مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حجه حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. فهذه شهادة من خير القرون صحابته رضوان الله عليهم بأنه قد نصح وبلغ وأدى وهم خير خلق الله بعد نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل جلاله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تقول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها عن أبيها وأرضاها عند هذه الآية من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. فمن حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يقر له بفضله وأمانته وصدقه فيما بلغ به عن ربه وشريعته وأنه قام بالبلاغ على أكمل وأتم وأوضح ما يكون. Donc le cheikh il termine ce point là, il explique que on a expliqué, parce que ça c'est une des choses qu'on n'avait pas mentionné dans l'introduction comme j'avais dit tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui se répètent. Et c'est un exemple ici du fait qu'il a cité le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As que l'imam al-Bukhari a cité au sujet de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Parce que Abdullah ibn Amr ibn al-As avait lu la Torah. Et donc, il a mentionné ce qu'il avait lu comme description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas le faire mourir jusqu'à ce qu'il établisse la religion qui a été détournée. Hein, la religion des juifs et des chrétiens, il va la corriger. Et c'est en disant que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. La ilaha illallah. Il va ouvrir par cela les yeux qui sont aveuglés. Et les oreilles qui ont été assourdies et les cœurs qui ont été insouciants. Hein? Et il dit que cette parole, elle confirme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 3 dans Sourate Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété pour vous votre religion, j'ai parachevé sur vous mon, j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréer l'islam comme religion pour vous. » Donc ça c'est la preuve que la religion elle est complète, elle a été complétée et transmise de la manière la plus parfaite. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, lorsqu'il est mort, il avait complété sallallahu alayhi wa sallam la religion de la manière la plus complète et il l'a clarifié de la meilleure manière. Et on a le témoignage d'Allah hein, lui-même, subhanahu wa ta'ala, sur yani, la transmission de son prophète, hein, qu'il a transmis sa religion complètement, de façon complète et de la meilleure façon. Et il y a également la mention du témoignage des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mentionné dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim selon Jabir radiallahu anhu. Et c'est un hadith qui est long, très très long, mais c'est un hadith qui décrit tout le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith de Jabir, c'est une référence en ce qui concerne la description du hajj et pour connaître la façon dont on doit faire le hajj. Donc si vous entendez le hadith de Jabir au sujet du hajj, donc vous savez de quoi il s'agit. C'est un long, très très long hadith, un long récit de la description hein, du hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a écrit un livre sur la description du hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est basé justement sur le hadith de Jabir. Okay? Et donc il dit ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans khutbat hajjat al-wada, la khutba qu'il a fait, khutba d'adieu, il dit à la fin: je vous ai laissé deux choses. Tant que vous restez accrochés à ces deux choses, vous ne vous égarerez jamais après moi. Le livre d'Allah, hein, il a mentionné le livre d'Allah. Mais ça, moi, je me suis confondu ici, j'ai dit les deux choses, mais c'est dans une autre narration. Ici, il dit: je vous laisse une chose, je laisse parmi vous quelque chose que si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. Hein? Et ici, il dit c'est le livre d'Allah. Donc, c'est l'autre narration qui dit deux choses. Mais ici, c'était que yani, le livre d'Allah. Donc, ici, je me suis mélangé. Et il dit: vous êtes demandé à mon sujet, qu'est-ce que vous dites? Hein? Vous êtes demandé à mon sujet, alors qu'est-ce que vous dites? Alors, les sahabas ont dit: yani, nous témoignons que tu as transmis le message, que tu as remis le dépôt et que tu as été sincère. Hein? Que tu as été sincère, tu as bien fait ton travail de prophète et de messager, tu as transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu as été hein, sincère dans ce que tu as fait. Donc les sahaba ont témoigné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pointait son doigt vers le ciel et il le pointait vers, hein, vers les gens. Et il disait: oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. Allahumma shahad. Allahumma shahad. Allahumma shahad. Donc il dit que ça c'est le témoignage des meilleures générations, de la meilleure génération, la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui ont témoigné qu'il a été sincère, qu'il a transmis le message d'Allah et qu'il a remis le dépôt qui lui avait été confié de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on sait tous que ce sont les meilleures créatures d'Allah après les prophètes, hein? Et il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le verset 67 dans sourate Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh toi le messager, transmets ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Et Allah, si tu le fais, te protégera contre les hommes. Si tu le fais, Allah te protégera contre les hommes. Et donc, Aïcha radiallahu anha, as-siddiqa, la véridique, fille du véridique, hein, elle dit, radiallahu anha, wa an abiha, elle dit ce verset. Hein, en expliquant ce verset, elle dit: celui qui te dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose de ce que Allah lui a révélé, alors il a menti. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô toi le messager, transmets, hein, ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Hein, donc celui qui pense que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a caché quelque chose de la religion d'Allah, comme parfois tu entends parfois certains parmi les gens de l'égarement, parmi les différents soufis, les différents turqs soufis, ils disent il y a des choses secrètes qui ont été transmises à mon cheikh. Hein? Le cheikh de notre tariqa, il a des secrets. Hein? Et ces secrets-là, ça a été transmis juste à lui seulement. Ou bien ils disent que c'est quelque chose qui avait été transmis uniquement à un d'entre les sahaba, qui l'a transmis à un autre après lui, et à un autre après lui, et à un autre après lui, jusqu'à mon cheikh. Et personne d'autre l'a connu, personne d'autre le sait, excepté ceux qui font partie de cette chaîne. Et la plupart des ulama, quand ils ont analysé, les ulama de hadith, quand ils ont analysé cette soi-disant chaîne qu'ils prétendent, eh bien, ils voient qu'elle est muqati', elle est coupée à plusieurs endroits. Il n'y a pas de lien direct de leur cheikh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui serait authentique. Donc, toute leur prétention est fausse et ce sont des menteurs. Comme Aïcha radiallahu anha l'a dit dans ce hadith, dans l'explication de ce verset. Et donc le cheikh il dit, et parmi ses droits sur la umma, hein, c'est que nous reconnaissions et nous confirmions que il a le mérite, hein, qu'il a le mérite, et qu'il est honnête, et qu'il a été honnête dans la transmission du message, qu'il a été véridique dans ce qu'il a transmis de la part de son Seigneur, et dans la transmission de sa législation et de sa charia, et qu'il a établi la religion et qu'il l'a transmise de la façon la plus complète et la plus parfaite, et qu'il a clarifié, hein, d'une façon qui est la plus claire possible. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour cette partie, et on continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah, avec le deuxième droit, qui est le droit de l'obéissance et de suivre la sunna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.